eh ben c'est l'année du bac. T'as presque pas dormi, il est 7h du mat. Tu regardes même plus comment t'es fringué. Tout a changé depuis que papa s'est flingué. La vie te fait pas danser, même plus envie d'avancer. De toute façon c'était la même déjà bien avant ça. Donc nique sa mère les potes, nique sa mère les pilotes. T'as passé ta nuit sur Netflix à enchaîner les épisodes. Devant les toffs s'il est plus là, bah tu te dis que c'est Dieu. T'es jeune mais toi tu regardes les autres, bah tu te dis que t'es vieux. La go que tu veux gérer, tu la connais. Mais cette pute à côté de toi te calcule moins que ces putains d'abonnés. Daron est rentré dans ton cœur et il a tout pillé. Hier t'as bédave pour oublier et aujourd'hui pour oublier. L'impression que la poisse t'attrape au cou. Quand on t'appelle tu réponds plus. De toute façon ça sonne déjà pas beaucoup. Je crois que t'es sur pause parce que dans ta vie y'a plus d'action. Les profs te disent qu'en cours tu fais de la figuration. Tu finis par penser que Daron avait raison. À chaque saison ta mère te dit que maintenant t'es l'homme de la maison. T'as les yeux rouges mais tu lui dis que t'es pas cheaté. Les nuits sont agitées à faire des roues sur le parking de la cité. Des fois tu laisses une chance aux gens mais ils sont cons d'entrer. Et t'as envie de crier nique ta mère au monde entier. T'es renfermé, tu calcules même plus ta mère. Toute la semaine t'attends le week-end mais tous les week-ends tu galères. Si tu veux t'en sortir on t'a dit bah va t'au faut ramper. Et quand tu sors t'as qu'une envie c'est de rentrer. Tu croyais pilote mais un soir le bateau a tangué. Depuis tout casse les couilles comme ces putains de cours d'anglais. Et dès que tu sors bataille s'aime encore plus. Soit tu racles le tien soit ces fils de chiens te collent dans le bus. Pas besoin de potes puisque les loups se font rares. Et que les jours où va t'au souris se font rares. Tu dis que t'es au fond du gouffre donc te sauver qui peut. Dehors y'a du soleil mais dans ta tête il pleut. De temps en temps tu fais crari et t'enfiles les crampons. Le reste du temps FIFA série ou bien Ligue des Champions. T'as envie de rien donc s'il y a rien à faire c'est pas grave. Quand tu t'ennuies tu mates des boules sur Instagram. Tu dis que c'est des grosses putes et ça c'est vrai. Même si tu likes tu sais que tu vas jamais la serrer. Pendant ce temps là les gens de ta classe font les stars. Et les contrôles de prof te cassent les couilles comme les contrôles de stars. Tu vois Berlin dans ta tête c'est pareil. Hier t'as mis beau sur le tarpé de Tokyo dans Casa des Papel. Ta vie pue la merde mais tu dis qu'il faut se leurrer. Et tu t'endors à l'heure où faut se lever. Ici ou ailleurs c'est la même pour toi t'as plus de patrie. Cette vie te casse les couilles comme quand t'as plus de batterie. Tu t'en fais pas pour eux, tu t'en fais pas pour toi. Quand t'as une meuf elle te fait la gueule et tu sais même pas pourquoi. Quand on demande si ça va, bah ça va fort. Et ta daronne te dit que tu fous rien et en même temps elle a pas tort. Les minutes sont les mêmes, les journées sont les mêmes. Les semaines sont les mêmes et même les gens sont les mêmes. Alors tu fumes et tu fumes et tu fumes et tu fumes. Pour oublier c'est l'heure de